Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzou, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 21 août, nous souhaitons une bonne fête au Christophe, ça vient du grec signifiant porte-Christ. Voilà des hommes à forte sensibilité, intuitifs, fins et particulièrement émotifs car fortement marqués par le nombre 2. Toutefois, ils parviennent assez bien à dominer cette émotivité au point d'apparaître calme et réservé. Néanmoins, il existe en eux une certaine dualité entre sociabilité, extraversion et altruisme et introversion et égocentrisme. En effet, d'un côté, ils ont besoin des autres tant pour se sentir exister que par les échanges affectifs et l'émulation qui leur sont nécessaires et comblent en partie une certaine tendance narcissique. Mais en contrepartie, ils ont également besoin de se retrouver seuls pour se ressourcer et préserver leur intimité. Au plan social, ils sont désireux d'impressionner et s'ils ne peuvent prétendre à la première place, ils compenseront en s'affichant comme excentrique ou exubérant, le sens de l'humour n'étant pas le moindre de leurs talents. Les Christophe sont un curieux mélange d'indépendance et de dépendance, essentiellement dans le domaine sentimental et affectif, où leur environnement contribue en grande partie à leur épanouissement. Dicton du jour, m'effaucher, faner par plaisir, mettre en grange, battre et vanner. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme adoptée par l'ONU le 27 octobre 2017. Ça s'est passé un 21 août 1959, Hawaï devenait le 50e état de l'Union et 1991, proclamation de l'indépendance de la Lettonie. Allez, première pause musicale et on se pose une question, où sont les femmes? Allez, Patrick Juvet. sont les femmes ? Patrick Juvet sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés à 21 août 1940, naissance de Patrice Lafont, animateur radio, télé et comédien français, qui a présenté de 1972 à 1989 des chiffres et des lettres, dont il est désormais le producteur, de 1990 à 1999, présentateur de l'émission culte Fort Boyard. De 91 à 2001, il a présenté Pyramide. On a pu le voir dans la série télé Sous le soleil dans le rôle du docteur Vijac, et il a fait quelques apparitions également au cinéma dans Le Gendarme de Saint-Tropez, La Belle Histoire, La Cité de la Peur ou encore Beaumarchais l'Insolent. 1944, naissance de Peter Weir, réalisateur australien connu pour avoir réalisé les films The Truman Show et Le Cercle des Poètes Disparus, qui lui avait valu d'ailleurs le César du meilleur film étranger. 1950, naissance de Patrick Juvet, chanteur suisse. 1956, naissance de Kim Cattrall, l'actrice britannico-canadienne, connue pour son rôle de Samantha Jones dans la série télé Sex and the City, ainsi que dans les deux films qui ont suivi. 1967, naissance de Carrie Ann Moss, actrice canadienne, connue pour son rôle de Trinity dans la trilogie des Matrix et apparue dans les séries télé Chuck, Crossing Lines ou encore Daredevil. 1974, naissance de Damien Ferrette, comédien français, connu pour son rôle de Vincent de Boissière dans la série télé Sous le soleil. Il est également acteur de doublage. Il est la voix française régulière de Samuel Page, ainsi que l'une des voix françaises de Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher ou encore Ryan Phillippe. 1980, naissance d'Amel Chabi, comédienne, auteure de théâtre et réalisatrice française, révélée tout d'abord par sa participation au Jamel Comedy Club. On a pu la voir au cinéma dans Joséphine, le crocodile du Botswanga dans le rôle de Karina, Amour sur place ou à emporter dans le rôle d'Amel. Coexister, elle sera à l'affiche du futur film de Fabien Otoniente, All Inclusive, sortie prévue pour l'année prochaine. Et elle a réalisé le film Amour sur place ou à emporter, qui était l'adaptation d'ailleurs de la pièce de théâtre. 1984, naissance d'Alizée, chanteuse française qui a remporté la 4e saison de Danse avec les stars, qui a mis sa carrière de chanteuse de côté pour démarrer une carrière de danseuse aux côtés notamment de son mari Grégoire Lyonnais. 1985, naissance de Nicolas Almagro, joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2003, meilleur classement ATP, la 9e place atteinte en 2011, quart de finaliste à l'Open d'Australie et Roland-Garros, 8e de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à Wimbledon, et il a remporté une Coupe Davis en 2008. C'est également l'année de naissance de la chanteuse française Mélissa M. 1986, naissance d'Usain Bolt, athlète jamaïcain, ancien athlète d'ailleurs, puisqu'il a mis un terme à sa carrière. Aux Jeux Olympiques, il compte 8 médailles d'or. Il est d'ailleurs l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques en sprint. Il est également le plus titré de l'histoire des championnats du monde avec 11 médailles d'or. Il compte également 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. En Ligue de Diamants, il compte 1 médaille d'or et 2 d'argent. Championnat du monde des relais, 1 médaille d'or, 1 médaille d'argent. Il a pris sa retraite sportive à l'issue donc des championnats du monde 2017 qui avait lieu à Londres, où il s'est d'ailleurs adjugé un 14e podium mondial avec sa médaille de bronze. Et on s'en souvient, il s'est blessé en finale du relais 4x100 mètres en août 2017 pour la dernière course de sa carrière. Et là, il tente une reconversion dans le football. 1987, naissance de Cody Cash, acteur américain connu pour son rôle de Zach Young dans la série télé Desperate Housewives, vu également dans Esprit Criminel ou encore Les Experts. 1986, naissance de Robert Lewandowski, footballeur international polonais professionnel depuis 2006, qui a joué au club de Zenit Prusków, à Lech Poznan, au Borussia Dortmund et depuis 2014, il joue au Bayern Munich. 1989, naissance d'Aiden Panettiere, actrice américaine, vue dans le film Scream 4, la série télé Haine et Passion, Malcolm, Nashville dans le rôle de Juliette Barnes, mais c'est vrai qu'on la connaît, surtout pour son rôle de Claire Bennett dans la série télé Heroes. 1992, naissance de Reggie Mead, troisième du nom, acteur américain, vu dans la série télé Breaking Bad dans le rôle de Walter White Jr. En 1947, décédé Ettore Bugatti, industriel italien, un des fondateurs de l'industrie automobile de luxe et de compétition. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un des pionniers de l'automobile. En 2008, décédé Jerry Finn, producteur de musique américain, connu pour être à la production de bon nombre membre de groupe punk au début des années 90 et 2000, avec notamment le groupe Blink 182, Green Day, Sum 41 ou encore The Offspring. Et en 2013, décédé Syd Bernstein, producteur de musique et promoteur musical américain. Ses efforts ont modifié la scène musicale américaine, notamment dans les années 60, car il a organisé des tournées américaines pour des groupes britanniques. On peut citer les Beatles ou encore les Rolling Stones. Et il fut le premier impresario à organiser des concerts rock dans les stades sportifs américains. Allez, on va remonter quelques années en arrière avec Alizé et son titre « Moi, Lolita ». Moi je m'appelle Lolita. Rita, Alizé sur le 107 FM, un peu plus de 8h46, on parle météo. La météo. On aura droit encore une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 29 et 31 degrés pour cet après-midi. Mercredi, belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 29 et 31 degrés prévus pour demain après-midi. Et pour jeudi, ce sera encore une journée ensoleillée avec cette fois-ci quelques nuages, des températures comprises entre 18 et 19 degrés le matin, entre 28 et 30 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on passe maintenant à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football féminin avec le mondial U20 et malheureusement la défaite de la France en demi-finale 1-0 face à l'Espagne. Mais il y a tout de même une troisième place à aller chercher. En Ligue 2, Metz s'est imposé 3-1 face à l'AC Ajaccio. Metz est leader d'ailleurs au classement de Ligue 2 après 4 journées. Et trophée UEFA, aucun Français dans les 3 finalistes dont les noms ont été dévoilés hier. Il s'agit de Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Mohamed Salah. Antoine Griezmann termine 4e. Kylian Mbappé est 6e de ce classement et Raphaël Varane, lui, est 8e. Un mot de tennis avec le tournoi de Winston-Salem. Pas une journée pour les Français puisque Julien Beneteau s'est incliné en 2-7 face à Berrettini, 6-3, 6-3. Pierre Hugerbert, lui, s'est incliné en 2-7 face à Skugor, 6-2, 6-3. Pas de Français sur les cours aujourd'hui et un New pas une journée pour notre Française non plus, Kristina Mladenovic, qui s'est inclinée en 3-7 face à Šašković, 7-6, 6-7, 6-2. Et Šašković affrontera une autre Française aujourd'hui, il s'agit de Caroline Garcia. Et des nouvelles de Joe Wilfried Tsonga, qui a publié un message sur ses réseaux sociaux hier après-midi pour donner de ses nouvelles et également pour annoncer que malheureusement, il serait forfait pour le tournoi de l'US Open, mais il espère revenir d'ici la fin de la saison. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec la chanteuse Melissa M et son titre Elle. de Mélissa M sur RGM. Eh bien, ça rime. Il est pile 8h53, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera durablement vôtre. À 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur par Léa. 16h, rediffusion de Jukebox. 18h, l'heure des loups avec Lou, consacrée au Soul sur Festilac. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, j'ai mis Je vous le lis avec Dominique. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.